Quand t'es odieux, hein, Nagui. À ce propos, puisque t'en parles, le voici, Guillermo Guiz. Ça va les amigos ? Ça va, non. Ça va. Vous savez, parfois je pense à la mort et je me demande qu'est-ce qu'il me faudrait pour être vraiment heureux. Et là, il y a une petite voix qui me dit un peu de respect de la part de Nagui. Et je me fais, non, il me faut un truc réaliste. Ne fût-ce qu'un petit WhatsApp de Penelope Cruz qui me dira Ernesto, j'ai bien réfléchi, j'ai envie de lécher 60 cm² de ton corps. En vrai, je suis pas difficile. Mais j'avoue que j'ai pas le moral en ce moment. Je me sens un peu trop sur cette planète. Quoi que je fasse, j'ai l'impression d'avoir un impact négatif sur mon environnement. Genre l'autre jour, je faisais un feu avec des pneus pour lancer un barbecue. Genre, c'était la première fois que je mangeais du panda, tu vois. Et c'est rien d'exceptionnel d'ailleurs. Franchement, c'est entre l'agneau et l'épervier, j'ai dit 40 euros pour ça, ils sont gonflés dans les os. Eh bien, je me disais, Ernesto, ce qui serait bien, pour éviter de te sentir coupable en permanence d'exister sur Terre, eh bien, ce serait de quitter la Terre. Or, appeler ça coïncidence ou juste introduction un brin laborieuse pour enfin arriver au sujet de cette chronique, la NASA a annoncé récemment qu'elle enverrait à nouveau des humains sur la Lune. Et je me suis dit, ah, elle est là la solution, je me casse sur la Lune, nom d'une huître. Eh bien, je fais encore une saison à la bande originale, ne fût-ce que pour percer le mystère Daniel Morin. Combien sont-ils dans sa barbe? Est-ce que là, c'est là que se niche Xavier Dupont de Ligonnès? Une saison de plus, et puis je rejoins la NASA, parce qu'apparemment, la formation, c'est pas, tu vois, c'est genre, il faut ces deux semestres en cours du soir à Levallois-Perret, c'est pas, tu vois, c'est pas pire que quand tu veux devenir moniteur, tu vois. L'examen, c'est que des questions sur Interstellar. Moi, j'ai vu le film, j'ai compris une partie de la première partie, donc astronaute, ça va, je pense, ça tu va. Vois. Et après, j'avoue que la Lune, en soi, c'est pas mon premier choix pour mon exil, parce que depuis 72, il n'y a plus personne qui a mis un pied. C'est louche. Elle doit être dans un de ses états, ouais. La Lune. Franchement, j'ose même pas imaginer, il doit y avoir des tags partout, franchement, des seringues, du lichen. Moi, à mon avis, avant d'envoyer des cosmonautes, il ferait bien d'envoyer une équipe de nettoyage, quoi. Celle de France Inter serait parfaite d'ailleurs. Quand tu as nettoyé les toilettes de France Inter, tu peux clairement nettoyer un astre. Tu peux rien voir de plus dégueulasse. Au-delà de ça, la Lune, ça fait plus rêver grand monde. Allez, en 69, ça a un tout petit peu buzzé à la télé parce qu'il y avait deux chaînes à l'époque, tu vois. À l'époque, tu avais le choix entre Neil Armstrong sur la Lune et Guy Lux sur Interville, quoi. Franchement, même Armstrong, il était pas dupe dans son autobiographie qui était appelé La Lune, franchement, j'ai vu, j'étais déçu. Eh ben, il a reconnu que sa vraie réplique, c'était un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Mais si j'avais su, franchement, 380 km pour voir cette merde, je restais à la maison avec mon lapin. Et donc, on est resté en 69, tout le monde devenait fou. En 72, plus personne voulait aller sur la Lune, quoi. C'était devenu ringard à une vitesse. Même le patron de la NASA, il a déclaré, notre but final, c'est d'aller sur Mars, pas d'être coincé sur la Lune, putain. Pas d'être coincé sur la Lune. On a pris une ses confiances, sapiens sapiens. Il y a 150 ans, on volait en montgolfière, tu vois. Deux coups de vent, tu terminais dans un arbre. Vraiment, pour te décrocher, t'appelais les pompiers, ils arrivaient à cheval. Non, en disant, on va attendre l'automne que les branches. Ça, c'était nous, il y a 150 ans. Maintenant, on n'a pas envie d'être coincé sur la Lune. Sérieux, la NASA, il parle de la Lune comme si c'était un camping dans le Loir-et-Cher, tu vois. En mode, oui, là, pour le moment, j'ai pas les moyens d'aller à Ibiza, mais attends que j'ai touché mon 13e mois. Tu vois, vraiment. Et c'est vraiment l'administration Trump qui pousse pour qu'on y retourne le plus vite possible avec un buzz à la clé. Pour la première fois d'histoire, une femme devrait fouler le sol. Lunaire, et on sait pas encore qui, il reste une place à prendre, Leïla. Ouais. Un mot de vous, on va sur la Lune. Hein. Vous pouvez prendre autant de bouquins que vous voulez dans la navette, vraiment. Bon, une fois arrivé, il faudra qu'on soit discret parce que tu peux pas ken sur la Lune, hein. C'est trop éclairé. Ça va de la Terre avec le zoom d'un iPhone, tu peux voir les positions, en tout cas, quand c'était embrouillé sur quoi tu peux deviner, tu vois. Donc finalement, c'était pas une mauvaise idée qu'on soit pas coincé là. Bonne émission, les amis. Merci, Guillermo. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Ce mercredi, au cinéma, ni une ni deux. Stop.